Affaire sensible, la fiction, aujourd'hui 200 froids, autopsie d'un roman maudit, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Clara Serre et Zoé Gabillet, réalisée par Pascal Deux. La fiction d'aujourd'hui nous raconte l'histoire d'un personnage étrange, complexe, mi-écrivain, mi-journaliste, romancier, mais qui, après son livre de sang-froid, n'écrivit plus de romans. Non, un personnage sulfureux également, célèbre pour ses frasques et ses excès, l'enfant terrible de la littérature américaine, c'est Truman Capote. Il est né le 30 septembre 1924 à la Nouvelle-Orléans. Dès 17 ans, il quitte le système scolaire et écrit « Je ne voulais pas aller perdre mon temps à l'université, je sais ce que je voulais faire, j'avais lu énormément et j'étais déjà un écrivain accompli. » Voilà. Il commence par publier une nouvelle en 1945, « Myriam » dans une revue. Puis en 1948, il édite son premier roman « Les domaines hantés » qui renoue avec les paysages de son enfance dans le sud des États-Unis et qui porte déjà un parfum de scandale à cause d'une photo en couverture jugée choquante. Puis viendra enfin un vrai succès avec Petit déjeuner chez Tiffany, roman qui lui ouvre les portes de tous les lieux à la mode de la vie artistique à New York. De sang-froid paraît en 1966. Il provient d'un fait divers que Truman Capote découvre dans le New York Times et qui tout de suite le passionne. Une histoire terrible, celle d'une famille de cultivateurs, père, mère et leurs deux enfants abattus à bout portant après avoir été ligotés et bâillonnés. Un crime perpétré par deux jeunes paumés, Perry Smith et Dick Hickok. De sang-froid inaugure un nouveau genre, celui du roman-document, le non-fiction novel, ou comment l'enquête journalistique sur un fait divers devient un genre littéraire. Ce roman a changé la littérature pour des décennies. Truman Capote résumait ainsi son travail. « Pour la première fois, je ne sais plus si je suis journaliste ou écrivain, et peut-être que ce n'est pas plus mal. » Pour ce projet, je serai les deux à la fois. La plus grande difficulté sur le plan technique sera d'écrire ce livre sans jamais apparaître moi-même. Je dois devenir un photographe littéraire ou devenir l'auteur d'un roman vérité. Après la fiction, et pour nous aider à comprendre cette nouvelle littérature, cette effraction dans le réel, nous recevrons Didier Decouin de l'Académie Goncourt, auteur, scénariste, romancier, passionné de faits divers. Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter. De sang-froid. Autopsie d'un roman maudit. De Clara Saer et Zoé Gabillet. Réalisation Pascal Deux. Kansas, comté de Finney. Dans la résidence du shérif Myers. Janvier 1960. Bravo! Je suis épaté par les acrobaties de cet écureuil. C'est vous qui lui avez appris ça? Oui. Vous lui avez donné un petit nom? Il s'appelle Red. Red? Joli Red. Laissez tomber, il ne s'approchera pas de vous. De toute façon, ce n'est pas mon écureuil que vous êtes venu voir. Je me trompe. Je suis écrivain. C'est quoi votre nom déjà? Truman Capote. Jamais entendu parler de vous. Qu'est-ce que vous avez écrit, par exemple? Petit déjeuner chez Tiffany. La harpe d'herbe. Je ne connais pas. Mes amis vous diraient que la modestie n'a jamais été mon fort, mais je dois dire que ces romans ont connu un certain succès. Rassurez-vous, vous n'êtes pas le premier à ignorer mon nom. Enfin, c'est sans importance. Mais peut-être avez-vous vu un film dont j'ai écrit l'histoire. Plus fort que le diable de John Huston, ça vous dit quelque chose? Ah ça oui, je l'ai vu. Seulement parce qu'il y avait Humphrey Bogart dedans. Vous l'avez rencontré en vrai? Oui, Boggy était un grand ami. Ah Bogart, moi il m'a toujours plu ce type-là. Comme acteur, c'était mon préféré. Moi aussi. Il était sensationnel. On vous traite bien chez les Myers? Oh, c'est la tôle la plus sympa que j'ai connue. Charmant. C'est sûr qu'une cellule au milieu d'une cuisine, vous êtes plutôt bien loti. Je me fais pas d'illusions, je serai bientôt transféré. Madame Myers, la femme du shérif, me prépare même du riz espagnol, mon plat préféré. Bon, en revanche, niveau lecture, c'est pas ça. Elle me prête ses journaux féminins. Alors, pour pas la vexer, je fais semblant de les lire parce qu'elle est gentille. Vous devez trouver le temps long, n'est-ce pas? À vous de me le dire. J'ai quand même dressé un écureuil. Si vous avez mal à la tête, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Ah non, c'est pas la tête. C'est les jambes. Depuis mon accident de moto, elle me joue des tours. Ça doit être terrible. Bon, c'est pas tout ça, mais qu'est-ce que vous me voulez à la fin? Votre histoire m'intéresse. Ça fait plusieurs mois que je suis ici, au Kansas, pour essayer de comprendre. Ah bon? Vous étiez là l'autre fois quand la police nous a arrêtés et nous a emmenés ici, Dick et moi? Oui. J'ai attendu des heures pour vous apercevoir. Et j'ai même attrapé un début de pneumonie avec ce froid. Ah, désolé. Une pneumonie, il ne faut pas plaisanter avec ça. Mais racontez-moi la scène, parce que moi j'étais si impressionné que je ne pouvais pas voir ce qui se passait. Quand j'ai vu cette foule qui nous dévisageait dans un silence de mort, je me suis dit que tous ces gens, ils allaient nous mettre en pièces. Il faisait sombre. Toute la ville était là à vous attendre devant le palais de justice. Des hommes, des femmes, mais aussi des enfants. Tout à coup, un cortège de voitures est apparu au coin de la rue. Les phares brillaient dans la nuit, on aurait dit qu'ils éclairaient toute la poussière que le froid peut laisser derrière lui. Une fois que les moteurs ont arrêté de tourner, on n'entendait plus un son. Ah oui, ça je me souviens bien. C'était un silence assourdissant. C'est exactement ça. Un silence assourdissant, vous avez tout à fait raison. J'entends encore le bruit des portières qui a brisé cette scène digne de l'un des plus grands films muets. Et puis vous êtes apparu, vous et Dick, flanqué de beaucoup de policiers. Dont mon ami, l'agent spécial Duvray. Mes jambes me faisaient un mal de chien. Ça, je m'en souviens. Une douleur atroce. Vous aviez l'air si fatigué. Comme ces personnes qui reviennent d'un très long voyage, d'expédition dans des terres inconnues. Quand ils rentrent chez eux, ils ont toujours l'air un peu perdus. C'est à ces gens-là que j'ai pensé en vous voyant pour la première fois. Il n'y a pas à dire, ça se voit que vous êtes écrivain. Vous racontez drôlement bien les histoires. Écoutez-moi, Perry. Je suis ici car je veux écrire un livre sur vous. Sur votre copain Dick. Et sur ce qu'il s'est passé à Holcombe. Vous êtes fou. Personne ne voudra lire quelque chose d'aussi triste. Ça fait déjà des mois que je travaille sur ce livre. Il fallait absolument que j'établisse le contact avec Perry Smith et Dick Hickok pour que le projet puisse se monter. Maintenant, c'est fait. Depuis le temps qu'on les recherchait, aujourd'hui qu'ils sont derrière les barreaux, j'ai encore du mal à croire que ce sont ces deux pauvres types qui ont massacré toute la famille Clutter. Herb et Bonnie, les parents, et ces deux pauvres gosses, Nancy et Canyon. On s'est tous demandé à quoi pouvaient ressembler ces monstres. Et maintenant qu'ils sont devant nous, je me rends compte qu'ils pourraient être des voisins ou des frères. Aujourd'hui, les événements sont assez avancés pour que je puisse écrire ce livre. Car jusqu'à présent, j'avais toujours le choix entre continuer ou m'arrêter. Et dire que j'ai appris la mort de cette famille dans un entrefilet du journal. Maintenant, il semble que je les connais depuis toujours. C'est leur histoire que je veux écrire. Celle de leur vie, celle de leur mort, mais aussi celle de leurs assassins. Je ne sais pas combien de temps ce livre me prendra, mais j'ai le sentiment qu'il marquera un tournant dans ma façon d'écrire. Pour la première fois, je ne sais plus si je suis journaliste ou écrivain. Peut-être que ce n'est pas plus mal. Pour ce projet, je serai les deux à la fois. La plus grande difficulté sur le plan technique sera d'écrire ce livre sans jamais apparaître moi-même. Je dois devenir un photographe littéraire. ou devenir l'auteur d'un roman vérité. Kansas, ville d'Holcombe, juillet 1960. Merci, chérie. Merci de quoi ? De te conduire ou d'être ton assistante ? Oh ! Harper, chérie, tu sais ce que tu représentes pour moi. Merci. Car une fois de plus, si nous sommes invités à dîner ce soir chez les Dewey, c'est bien grâce à toi. Ta chaleur humaine ferait fondre n'importe qui. Je n'aurais jamais réussi à amadouer ce flic tout seul. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tout le monde t'adore, Truman. Oui. Enfin, une fois qu'on est passé outre ma voix de coq castré et mes manières. Je ne suis pas dupe. C'est quand même parce que tu as bien préparé le terrain que ces bouseux du Kansas m'invitent à leur table. M'avoir présenté comme un des plus grands écrivains du monde, j'aime ça. Mais fallait oser. Je savais que ça te plairait, cabotin que tu es. En tout cas, tu me dois une fière chandelle. Tout ce que tu voudras. Si le meurtre est un thème indémodable et qu'il n'est guère susceptible de jaunir au fil du temps, l'affaire de cette petite ville d'Holcombe est vertigineuse. Tous ces personnages, ces rebondissements, toute cette violence pour seulement $50 de butin. C'est pathétique. T'aurais voulu l'inventer, tu n'aurais pas pu. Quand je repense à l'entretien avec la voisine... Tu veux parler de Susan Kidwell ? Oui. Le calme avec lequel cette jeune fille nous a tout raconté, j'avais l'impression de revivre la scène avec elle. Comment, quand elle a vu le porte-monnaie de son amie Nancy par terre, au milieu de la cuisine, elle a tout de suite pressenti que quelque chose n'allait pas. Ce n'est pas étonnant. Tous les habitants qui sont déjà allés chez les Clutter s'accordent à dire que la maison était toujours impeccable. Donc, le moindre objet mal rangé ou déplacé aurait attiré l'attention. On dit que le diable se cache dans les détails. Mais celui-ci n'en était pas un. Le bruit de nos pas m'effrayait plus que tout. Ils étaient si bruyants et tout le reste était tellement silencieux. Ce sont ces mots. Note-les tout de suite, Harper, avant que cette phrase ne m'échappe. Oh, enfin, tu vois bien que je conduis. Alors retiens-la. Je te la répète. Le bruit de nos pas m'effrayait plus que tout. Ils étaient si bruyants et tout le reste était tellement silencieux. Quelle gravité! Elle n'aurait pas pu être plus juste pour décrire son angoisse. C'en est glaçant. Quel courage, surtout. C'est admirable. Si on veut. Mais si elle avait été plus lâche, elle n'aurait pas eu à vivre avec ces images jusqu'à la fin de sa vie. Pauvre gamine. Découvrir ton ami la tête explosée par une balle de fusil de chasse. Oh, je t'en prie, Harper! Tu sais pourtant que c'est la vérité. Mais à force de passer tout ton temps avec Perry, depuis des semaines, tu as du mal à l'entendre. Pourtant, c'est lui qui a fait ça, c'est lui qui a tué cette famille. Mais j'y crois pas! C'est l'auteur de Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur qui me dit ça? Ton livre ne parle que de ces thèmes-là? D'un innocent accusé à tort? D'un type qu'on juge sur les apparences? Tu mélanges tout! Mon livre raconte l'histoire d'un innocent. Là, c'est différent. Et Dick, dans tout ça, c'est peut-être lui! Ils étaient ensemble, après tout. Arrête, Truman. C'est Perry qui a avoué les quatre meurtres. Il a massacré la famille Clutter. Fais attention. Tu t'impliques trop avec lui. Perry n'est pas ton ami. Si tu perds tes distances, toute ta théorie du roman vérité s'effondrera. Et tu ne pourras pas écrire ton livre. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Truman, je te connais depuis qu'on est gosse. Et j'ai bien vu que tes sentiments ont pris le dessus. Tu es complètement fasciné par ce type. On arrive chez Dewey. Plus un mot sur Perry. Tu as peur qu'il te dise la même chose que moi ? Que c'est un meurtrier ? Mais tu ne sais pas qui tu parles ! Tu ne le connais pas comme moi je le connais. Perry est tout sauf une brute. Derrière le monstre que tout le monde voit, il y a un homme complexe, d'une grande humanité. Tu perds la tête. Tu serais étonné de voir à quel point il me ressemble. Je préfère ne pas le savoir. Alors restons-en là ! Bonsoir. Bonsoir. Entrez. Je suis en train de préparer quelques bricoles pour le dîner. Marie-Louise n'est pas là? Non. Elle a emmené les garçons voir un match de baseball. Ils avaient envie de sortir un peu. Tenez, donnez-moi vos affaires et installez-vous. Ils ont raison de prendre du bon temps. Personnellement, je n'aime pas beaucoup le sport, mais... chacun son mauvais goût, comme on dit. Et voilà, assiette anglaise pour tous ce soir. J'espère que ce n'est pas ce dîner qui vous a empêché de les accompagner. Pour tout vous dire, je ne suis pas de très bonne compagnie en ce moment. La ferme trotte dans la tête chaque minute que Dieu fait. Et ma femme et mes fils ont besoin d'air. Cela fait des mois que le téléphone sonne sans arrêt à la maison. Et depuis que Perry et Dick ont été arrêtés, c'est encore pire. Je sais bien. L'Amérique se passionne pour ces deux bougres. Il faut dire qu'ils sont quand même assez incroyables. C'est une question de point de vue. Truman a raison. Ils ont chacun un profil très particulier. Surtout Perry. Dick est plus prévisible. Plus manipulateur. C'est un peu l'archétype de la petite frappe. J'ai appris que vous passiez beaucoup de temps avec eux en leur rendant visite régulièrement. Vous êtes très bien informé, officier. C'est vrai que nous nous parlons beaucoup. J'essaie d'apprendre le maximum de choses sur eux, car c'est uniquement comme cela que je me rapprocherai de la vérité. Mais la vérité, vous l'avez. Je peux même vous donner des copies de PV de leurs auditions, si ça vous intéresse. Volontiers. Je préfère vous prévenir. Il faut avoir le cœur bien accroché. J'imagine. Cesse d'imaginer, Truman, et regarde les faits. Tout est là. Que voulez-vous dire, Harper? Voyez-vous, mon cher, ma grande amie ici présente trouve que je suis trop clément envers Perry. Tu es jalouse de notre amitié naissante, chérie? Tu as tout compris. Parce que vous considérez Perry Smith comme votre ami? Vous avez de drôles de fréquentations. Je cherche juste à comprendre. C'est très simple. Un ancien codétenu de Dick, nommé Floyd Wells, avait travaillé pour Herb Clotter. Et il lui a raconté que ce dernier gardait ses revenus dans un coffre-fort. Car il était de notoriété publique que le père Clotter n'avait jamais d'argent liquide sur lui. Vous pensez que c'est Floyd Wells qui a poussé Dick et Perry jusqu'à Holcombe et la maison des Clotter? Ce type ne pensait pas mal en racontant cela. Il ne pouvait pas imaginer le plan de Dick de dépouiller la famille et de ne laisser aucun témoin vivant derrière lui. Et Perry dans tout ça? Oh, Perry s'est laissé convaincre très facilement de participer à ce cambriolage meurtrier. Il cache bien son jeu, mais en réalité, c'est un prédateur qui n'a aucune pitié pour ses proies. Mais enfin, Alvin, il n'a pas tué les quatre membres de la famille tout seul. Dick a forcément participé. Tu t'entêtes, Truman. Arrête de trouver des excuses à Perry. Il a d'abord prétendu n'avoir tué que les hommes, Herb et son fils Kenyon. Et ensuite, il a avoué avoir tué les femmes, Bonnie et Nancy. Ce que je sais, c'est que le meurtre de Herb est le plus effroyable des quatre. Il lui a tranché la gorge en le laissant se vider de son sang. Pourquoi une telle violence? Ça, je n'arrive toujours pas à le comprendre. Ce que je sais, maintenant que je connais un peu Perry, c'est que ce n'est pas la déception de ne pas trouver d'argent qui a déclenché cette rage. Elle vient de plus loin. De toute une vie de misère et de souffrance. Je pense que les Clotter formaient un parfait ensemble de symboles correspondant à toutes les frustrations de sa vie. Sans vouloir faire de la psychologie de comptoir, la relation compliquée qu'il entretenait avec son père l'a peut-être poussé à se déchaîner sur Herb. Tu veux dire qu'en massacrant le père Clotter, il a peut-être réglé symboliquement son compte au sien? Allons, Truman. Un peu tiré par les cheveux. Je me doutais bien qu'en tant que flic, vous ne seriez pas très sensible à cette théorie. Il faut que tout rentre bien dans des cases pour vous. Hein? Soit tout est blanc, soit tout est noir dans votre petit monde. N'est-ce pas? Truman, tu dépasses les limites. Laissez tomber, Harper. Il en faut plus pour me vexer. Vous savez, Truman, que le jour où on a arrêté ces deux salauds, c'était l'anniversaire de Nancy. Elle aurait eu 17 ans. C'est à ça que je pense quand je vois Perry. Pas à ses petits poèmes et à ses petites tracasseries avec son papa. Alors vous ne verrez jamais qu'une partie de la vérité. L'histoire de deux paumés qui ont tué toute une famille pour une cinquantaine de dollars. Et que devrais-je voir d'autre ? Toute la misère du monde qui pousse des gens comme vous et moi à se transformer un jour en machine à tuer. On ne naît pas assassin. On le devient quand la vie vous a montré que vous ne pouviez plus croire en rien. Ni à la chance, ni à une main tendue. Et encore moins à des jours meilleurs. New York, 1963. Cher Perry, je me suis réveillé en sursaut l'autre nuit et je me suis dit, Perry prétend qu'il ne sait rien de moi. Je suis resté couché en y réfléchissant et j'ai compris à quel point c'était vrai. Depuis le temps qu'on se connaît, vous m'avez beaucoup parlé de votre vie et moi très peu de la mienne. Comme vous, j'ai eu une enfance très difficile. Avec moi aussi une mère alcoolique qui a fini par se suicider. J'ai toujours été précoce sur le plan artistique et sur le plan intellectuel, mais complètement immature sur le plan émotionnel. Lors de notre dernière rencontre, vous m'avez demandé si j'aimais les hommes, et j'ai répondu en toute sincérité, comme si cette réponse n'était pas évidente. Il n'est pas dans ma nature de faire ce genre de confidence. Je n'ai cependant ressenti aucune gêne à tout vous avouer. Fidèlement, Truman Capote. Lansing, Kansas, 1963. Truman, merci pour les livres. Je les ai dévorés en quelques jours. Depuis toutes ces années derrière les barreaux, je n'ai jamais eu autant de temps pour faire ce que j'aime le plus, lire et dessiner. S'il y a bien un point positif dans le fait d'être condamné à mort, c'est celui-là. On nous fout une paix royale et nous sommes dispensés de travaux obligatoires. Certains jours même, je suis si fatigué que je dors toute la journée. Je fais semblant d'être un tout petit bébé qui ne peut pas ouvrir les yeux. Votre ami, Perry. J'ai eu Harper au téléphone tout à l'heure. Elle m'a dit qu'elle allait vous écrire. J'ai retrouvé la première strophe du poème que vous m'avez demandé. Je suis sûr qu'il y en a une seconde, mais pour une raison que j'ai oubliée, je n'ai recopié que celle-ci dans un carnet. Désolé. Il existe une race d'hommes qui ne s'intègrent pas aux autres. Une race d'hommes incapables de se fixer. Qui déchirent le cœur des êtres qui les aiment et s'en vont découvrir le monde. Fidèlement, Truman Capote. Cher Truman, j'ai beaucoup réfléchi et cette décision n'a pas été simple à prendre. Maintenant que Lee Andrews, qui occupait le couloir de la mort avec Dick et moi, a été exécuté, je sais que nous n'avons plus longtemps à attendre. Nos jours sont désormais comptés. C'est pourquoi j'aimerais que vous soyez à mes côtés à ce moment-là. Comme l'autorise le règlement du pénitencier, passer ma dernière soirée avec vous est ma volonté la plus chère. Mon avocat me dit que vous ne remplissez pas les conditions pour être témoin lors de nos exécutions, mais je suis certain que votre notoriété saura faire tomber les réticences. Vous vous souvenez, Truman, de ce grand oiseau qui m'est apparu dans mes rêves d'enfant et dont je vous ai parlé tant de fois? À chaque fois que j'ai souffert dans ma vie, il a été là. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je sais que le jour de ma mort, il viendra me chercher. Adios, amigo. Perry. Kansas. Ville de Lansing, 13 avril 1965. Mon cher. Cher Alvin. Excusez mon retard. J'ai été retenu sur une affaire de vol à main armée. Vous buvez quelque chose? N'ayez pas de complexe, je suis déjà au whisky. Je vois que vous n'avez pas perdu vos bonnes habitudes. Mais pour une fois, je vais vous accompagner. Jeune homme! La même chose pour mon ami. Très bien, monsieur. On the rocks, donc? J'étais surpris par votre appel, Truman. J'avais besoin de vous parler. Il n'y a que vous qui pouvez comprendre ce que je ressens aujourd'hui. J'ai enquêté sur la mort des Clutter, mais avant d'être flic, j'étais surtout l'ami de Herb et de Bonnie. Vous vous méprenez sur mes sentiments. Et ce n'est pas parce qu'ils seront pendus ce soir que mon avis sur Perry et Dick changera. Mais ça ne vous fait rien de savoir que cette nuit, un point final sera mis à cette histoire? Vous êtes écrivain, vous parlez de point final, je suis flic, je parle d'affaires classées. Et voilà, messieurs, les scotch on the rocks. Merci, jeune homme. Enfin, ne me dites pas que cette histoire n'a pas été le dossier de votre vie. C'est vrai. Pendant des mois, j'ai cherché ceux qui avaient pu commettre un crime aussi horrible. Je les ai trouvés. Et ce soir, justice sera faite. Qu'est-ce qui nous différencie d'un meurtrier si nous lui répondons aussi par un meurtre? Pour vous, la justice, c'est la loi du talion? Est-ce que vous diriez ça si c'était votre famille ou vos amis qui avaient été sauvagement assassinés par Perry et Dick, monsieur Capote? Allons, Alvin, c'est trop facile. Vous voulez que je vous dise? Moi, je crois profondément qu'une peine de prison à perpétuité ferait aussi bien l'affaire. Qui sommes-nous pour avoir le droit de vie ou de mort sur un homme? En tout cas, la mort de vos deux amis est l'épilogue parfait pour votre roman. Touché. Aujourd'hui, je m'en fiche pas mal de mon roman. Je ne pense qu'à Perry et Dick. Et moi, je ne pense qu'aux Clutter. Mais moi aussi, je pense à eux. L'un n'empêche pas l'autre. Garçon, un autre verre, s'il vous plaît. Très bien, monsieur. Cette journée qui n'en finit pas. J'ai quitté mon hôtel pour me réfugier dans ce bar. Perry appelle toutes les heures depuis ce matin pour être certain que je viendrai dîner avec eux ce soir. Mais je n'ai pas la force de lui parler. C'est mon éditeur. Il a accepté de m'accompagner. Qui décroche à tous ses coups de fil. J'ai vu votre nom sur la liste des témoins. J'avoue que je ne m'attendais pas à ce que vous acceptiez. Accepter, c'est une chose. Mais encore faut-il y arriver. Vous pouvez encore faire marche arrière. Rien ne vous y oblige. Je me souviens, la première fois que je vous ai rencontré à votre hôtel, vous étiez dans un déshabillé de soie et de dentelle rose. Et je n'aurais jamais pensé vous retrouver aux portes du couloir de la mort un jour. Même si mes nerfs me lâchent avant ce soir, je n'ai qu'une parole, je serai là pour Perry. Très bien. Alors nous nous reverrons là-bas. Maintenant, je dois vous laisser. Au fait, vous savez comment s'appellera mon livre? Je vous écoute. De sang-froid. Quand je l'ai dit à Perry, il est entré dans une colère noire. Mais je ne me voyais pas lui expliquer que cela ferait aussi référence à sa propre mort. Au fond, Truman, vous êtes bien plus cynique que moi. Comme disait Sainte Thérèse, les prières exaucées font couler plus de larmes que celles qui ne le sont pas. Je me revois encore allumer des cierges pour que Perry et Dick soient enfin pendus dans le seul intérêt que mon livre prenne tout son sens. Bien que cette nuit ait été terrible, et que jusqu'au bout j'ai cru que je serais incapable d'assister à leur mort, il fallait que j'éprouve ces sentiments par moi-même pour être au plus proche de la vérité. Maintenant, je vais pouvoir mettre un point final à mon livre. Comme on congédie un double maléfique. Mais comment sera-t-il accueilli? Je revois encore Perry me dire que la seule chose qu'il avait vraiment désiré faire dans sa vie, produire une œuvre d'art. quelle ironie du sort. Grâce à toi, amigo, mon livre est devenu une œuvre d'art. Jusqu'au bout, dans cette affaire, la fiction et la réalité se sont entremêlées. À tel point qu'à force d'avoir malaxé toute cette matière et ces témoignages, ces 5 années qui se sont écoulées entre l'arrestation de Perry et Dick et leur exécution, certains jours je me demande si je les ai vécues ou si je les ai rêvées. Aujourd'hui, il me reste une petite pièce remplie du sol au plafond de mes archives, tout ce que j'ai pu collecter sur l'affaire, et les derniers mots de Perry qu'il m'a écrits dans son ultime lettre. Ils me hanteront à jamais. Et tout à coup, je comprends que la vie est le père et que la mort est la mère. New York, Manhattan, 28 novembre 1966. Chers auditeurs, nous voici en direct de l'Hôtel Plaza à New York pour le plus grand événement mondain de cette année 1966. Le célèbre écrivain américain Truman Capote organise ce soir un bal masqué pour célébrer le succès de son roman De sang-froid. Oh, voici que j'aperçois les Radziwill, la sœur de l'ex-First Lady Jackie Kennedy. Mais tous les invités étant masqués, il est difficile de les reconnaître. Les femmes sont habillées en blanc et les hommes en noir. On dirait une vaste partie d'échecs dont seul manque le roi. Oh, mais voilà que je l'aperçois. Monsieur Capote! Monsieur Capote! Quelques mots pour nos auditeurs. Allô, New York! Ah, comment vivez-vous le succès de votre livre? J'ai été très émue par le nombre de lettres que j'ai reçues. Du courrier d'admirateurs? Pas du tout. Hein? Elles viennent de gens profondément touchés par le sujet de mon livre, qu'ils considèrent comme une attaque contre la société américaine, un pays dans lequel certains ont tout et d'autres n'ont rien. Quelle clairvoyance! J'ai du talent, certes, mais je n'ai rien inventé. Il suffit de sortir du plaza, d'ouvrir les yeux et de regarder ce qu'il se passe au coin de la rue. L'assassinat de Kennedy, le mouvement des droits civiques, la guerre du Vietnam. Ce pays est un désastre. Et il est où le rêve américain? Oui, oui, mais bon, quand même, votre livre est un succès, un phénomène, un Everest du genre. Un phénomène, comme vous dites, qui a brisé ma vie. Il n'y a pas un jour sans que je pense à ce livre et à ses protagonistes. Ce roman a été un énorme succès. J'ai gagné la gloire et la fortune. Pourtant, je l'ai écrit dans un inconfort moral atroce. Vous voulez que je vous dise? De sang-froid est une tricherie. Bien, bien. Merci, merci, Monsieur Capote, pour cette déclaration. Nous allons maintenant vous laisser retrouver vos invités et rendre l'antenne. À vous, les studios. Profitez de la fête, ma chère. Ce soir, c'est open bar. Et entre nous, je ne suis pas un saint. Je suis alcoolique. Je suis un drogué. Je suis homosexuel. Et je suis un génie. Bien sûr, je pourrais être ces 4 choses douteuses à la fois et en plus être un saint. Hélas, non. Champagne pour tout le monde! De sang-froid. Autopsie d'un roman maudit. De Clara Saher et Zoé Gabillet. Avec Laurent Cléry, Philippe Smith, Julie Pilot, Gérald Maillet, Sarah Karbasnikov, Yannick Morzel et les voix de Lionel Mur, Bénédicte Bempa, Thomas Othello-Pontier et Yvette Caldas. Bruitage, Sophie Bissans. Prise de son, montage, mixage, Julien Douminc Emmanuel Armingue. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Réalisation, Pascal Deux. Baby, you understand me now. If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. You know, sometimes, baby, I'm so carefree. With a joy that's hard to hide. And then sometimes again it seems that all I have is worry. And then you're bound to see my other side. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seem edgy, I want you to know I never mean to take it out on you. Life has its problems, and I get more than my share. But that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Affaires sensibles, la fiction. La raison pour laquelle j'ai choisi cette histoire est que les gens étaient tellement typiques d'un certain aspect de l'Amérique. Il y avait l'opposition entre ces deux garçons sauvages, impitoyables, et cette famille terriblement tranquille, gentille, ordinaire. Ils représentent deux aspects de l'Amérique, deux courants qui entrent en collision. Ils m'ont semblé avoir ainsi une valeur symbolique. Ils représentent ce qu'est l'Amérique aujourd'hui, ce que je pense qu'elle est. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui, De sang-froid, autopsie d'un roman maudit. Notre invité, Didier Decoin, de l'Académie des Goncourt, auteur, scénariste, romancier, amoureux des faits divers. Bonjour Didier Decoin. Bonjour. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Je ne sais pas si on peut vous présenter en quelques mots, tant vous avez fait deux choses. Vous êtes auteur, journaliste, scénariste pour le cinéma et la télé. Vous êtes aussi secrétaire général de l'Académie Goncourt. Vous avez écrit plusieurs romans, dont John l'Enfer, prix Goncourt en 77. J'en passe et puis j'arrive à ce dictionnaire amoureux des faits divers, écrit en 2014 chez Plon. Alors dans ce dictionnaire, il y a évidemment un chapitre consacré à Truman Capote et vous terminez en écrivant « De sang-froid est l'un des 10 livres les plus importants de ma vie ». Je ne vais pas vous demander quels sont les neuf autres, mais pourquoi celui-là dans cette shortlist des livres les plus importants de votre vie ? J'ai envie de vous répondre bêtement parce qu'il est bon. C'est un remarquable bouquin, que ce soit un roman, que ce soit un reportage, enfin peu importe la qualification qu'on lui donne, c'est un livre. Les Américains ont une expression qui me plaît beaucoup, un page turner. Vous tournez la première page de sang-froid et vous allez jusqu'au bout, vous pouvez pas vous arrêter. Ce qui est d'ailleurs arrivé à Truman Capote lui-même. Quand il a voulu écrire cette histoire, il n'en est pas sorti. Il a mis 6 ans à écrire. Oui. 6 ans, c'est énorme. Elle l'a poursuivi jusqu'à sa mort. Elle l'a empêché de continuer d'écrire d'autres choses. Il a été hanté complètement, possédé par cette histoire-là. Et c'est vrai que c'est un livre, moi, qui, je l'ai découvert, j'étais ado. Enfin, je devais avoir 14, 15 ans, quelque chose comme ça. Et je suis rentré dedans et je me revois en train de le lire. Et des années sont passées, hein, depuis. Mais je me revois allongé par terre dans ma chambre, tournant les pages à toute vitesse pour voir ce qui allait arriver. Et alors, c'est peut-être lié au fait qu'il y a justement ce lien entre l'écrivain et puis ses personnages et des meurtriers. C'est ce lien spécifique de Truman Capote qui a fait que son œuvre est si connue et si universelle. C'est en tout cas ce qu'il a cru, lui. Oui. Moi, personnellement, j'ai une autre vision des choses. C'est la fascination qu'il a, qu'il veut pas avouer, bien entendu, non seulement pour un des assassins, mais pour le meurtre en général, pour le sang qui coule, pour l'horreur, parce que c'est un crime horrible. Oui. Qui raconte, particulièrement odieux et sanguinaire. Et il a, de toute évidence, une fascination pour ça, et pour le décor qui l'entoure. Car vous savez, tout crime a besoin d'un écrin. Mmh. Et l'écrin de sang-froid, c'est ce qu'on appelle la Corn-Belt, c'est la culture du blé, enfin c'est les grandes plaines, c'est un peu la brousse américaine. Mmh. Donc c'est écrasé de soleil, c'est très blond, ça sent la farine, et c'est là une population de protestants purs et durs, la morale est au-dessus de tout. Et dans ce nid-là vient se blottir un oiseau de sang qui sont ces deux tueurs abominables qui n'ont aucun scrupule et qui vont créer l'effroi et la nausée. Et Truman Capote arrive là-dedans et il est complètement fasciné. Et il nous fascine. Mmh. Ça nous renvoie d'ailleurs cette lumière, cette blondeur des champs et le noir du crime. Ça nous rappelle la leçon de cinéma de Hitchcock. Vous savez, quand il disait d'habitude, un crime, ça se fait qu'une limousine noire, dans une rue noire. C'était pour La Mort aux Trousses. Hein. Oui, et on voit justement cet avion qui vient aux trousses de Calumet, dans un grand champ de maïs. On retrouve un peu ce... C'est exactement ça. Vous avez une passion pour Truman Capote et vous avez une passion pour le fait divers, et justement c'est par hasard, c'est qu'il y a ce lien très étroit entre le fait divers, entre le réel et l'écriture. Donc le fait, pourquoi vous aimez Truman Capote? Parce que vous aimez le fait divers aussi, c'est lié aussi à ça? Parce que s'il avait écrit sur un autre terrain, peut-être qu'il vous aurait pas autant fasciné. Bah écoutez, oui, il a écrit, d'abord vous le citiez tout à l'heure, Diamant sur canapé, oui. J'ai pas été fasciné par le livre, j'étais fasciné par le film, qui est un amour de comédie, puis il y a l'exquise Audrey Hepburn, mais le livre ne m'a pas fasciné. Mais là oui, j'étais fasciné par le fait divers, et surtout par, l'utilisation que fait Truman Capote de l'écriture romanesque pour traiter de l'authenticité. Ça, c'est un truc très extraordinaire. C'est-à-dire, vous prenez une histoire vraie et vous dites, je vais la raconter comme si c'était un roman, avec les outils du romanesque. C'est un petit peu comme si un peintre demain disait, je vais peindre avec mes chaussettes. Ouais. Ou avec mes doigts, enfin, c'est-à-dire utiliser utiliser un autre outil pour transcrire une vérité qu'il a dans la tête. Et puis, il le fait formidablement bien. Parce que quand on lit de sang-froid, on a du mal à se dire que c'est une histoire vraie. C'est tellement bien fait. Ça vous emporte tellement que, voilà, on s'est dit c'est un roman. Non, c'est pas un roman, c'est une histoire vraie. Alors, ça renvoie à cette formule, la réalité dépasse la fiction. Avec des gens comme Truman Capote, on inverse ça. Et finalement, on tombe sur nos pieds. Tout à fait. Et vous savez, c'est aussi un petit peu les grands journalistes, les grands filiversiers, comme on disait, qui avaient une façon de raconter. Moi, je me rappelle, parce que c'était mon époque, j'étais enfant, le crime de l'affaire Dominici. Oui, bien sûr. Et c'était raconté, alors plus près, pour que les gens se rendent mieux compte, le petit Grégory. Les journalistes ont raconté le drame de la Vologne d'une façon tellement, littérairement tellement extraordinaire, que c'est pour ça que cette histoire est devenue une espèce de mythe. C'est horrible aussi, c'est peut-être encore plus horrible l'histoire du petit Grégory. Mais raconté avec un talent, un luxe de romanesque formidable. C'est en fait, moi si je voulais apprendre, des jeunes qui viendraient me demander conseil, comment on écrit un bon roman? Je dis, vous lisez les articles des grands faits diversiers, comment ils racontent une chose abominable. Et si Flaubert nous entendait avec Madame Bovary, hein? Mais Flaubert, ça a démarré comme ça. C'est pour ça que je vous en parle. Flaubert était au départ un auteur qui ne vendait rien et qui avait des copains, dont Maxime Ducamp, etc., qui eux vendaient pas mal leurs œuvres. Et alors ils pleurnichaient, parce que Flaubert, c'est un pleurnichard. Mais pourquoi les gens veulent pas mes livres, etc. Et Maxime Ducamp lui a un jour sorti cette phrase, qui est un peu crue, mais que j'ai autant de... Écoute, Gustave, c'est parce que dans tes livres, il n'y a pas assez de cul. Ah. Dit, comment, il n'y a pas de cul? Non, tes histoires sont molles, les gens font rien, les hommes et les femmes se regardent. Et il dit, mais où voulez-vous que j'aille chercher des... Là, à 12 kilomètres de chez toi, il y a un village, et il y a une femme qui a vécu des histoires de cul, redit Maxime Ducamp. Et Flaubert fait les 12 kilomètres et tombe dans le patelin d'à côté où il y a effectivement une dame qui s'appelle pas Emma Bovary, mais qui a vécu exactement l'histoire d'Emma Bovary. Et là, il fait le triomphe que l'on sait. Formidable. Didier Decoy, on va se retrouver dans 3 minutes et on va parler du fait divers et de sa fonction à la fois littéraire et sociale. Le fait divers. Alors le fait divers, beaucoup aiment le fait divers parce que je crois que c'est lié à la nature humaine. L'homme socialisé aime qu'on lui raconte des histoires. Est-ce que la force du fait divers, ça commence par là, tout bêtement? Ben, le fait divers, c'est l'histoire d'humanité. Le premier fait divers, c'est quand même Caïn qui tue Abel. Mais oui. On est à l'aube de l'humanité, même j'allais dire à l'aube, n'est même pas encore. Bon, il fait encore nuit. Et on sent bien que l'histoire de l'homme, elle commence comme ça, par un meurtre. Ouais. Et les meurtres sont toujours des résumés de situations extrêmement paroxystiques, mais qui donnent des images très justes de ce qu'est un homme. Alors, effectivement, mais est-ce que le fait divers, contrairement peut-être à ce qu'on dit, et ce qu'on dit beaucoup en ce moment, est-ce qu'il nous dit tout le temps quelque chose de l'humanité, tout le temps quelque chose de la société? Est-ce qu'il nous dit toujours quelque chose d'une époque? Peut-être pas forcément non plus. Il y a des faits divers qui disent rien. Ben, il faut déchiffrer. Pour moi, le fait divers, c'est un code, c'est codé. Et j'essaye d'avoir mon énigma, vous savez, la machine à décoder, pour essayer de qu'est-ce que ça me raconte derrière. C'est ça. Il y en a, effectivement, apparemment, on se dit, j'ai rien à, personne ne me dit rien, non. Je tue quelqu'un parce que je veux son argent, est-ce que ça nous dit vraiment beaucoup de la société? On sait bien depuis que l'homme est homme. L'argent est un fait divers en soi d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Et bref, on est arrivé nous aujourd'hui à faire des problèmes d'argent, de bourse, etc., qui sont ennuyeux, enfin, moi je trouve ça diaboliquement merdouillant, et ils sont arrivés à faire des suspens sensationnels. Oui. Comment s'appelle ce garçon qui a pillé, dit-on en tout cas, la Société Générale. Oui, Kerviel. C'est ça. Jérôme Kerviel. Il est fascinant, on a écrit sur lui, on a fait un film que j'ai trouvé formidable. Mm-hmm. J'y suis allé un peu la queue entre les jambes, je vais m'ennuyer. Moi, je comprends rien ces histoires de banque, de bourse, je suis pas un homme d'argent du tout. Mais j'étais passionné, fasciné. Donc le fait divers, c'est d'abord la capacité à raconter une histoire, faire des rebondissements, d'écouter pour le théâtre, parce qu'on peut avoir du fait divers au théâtre, du suspense. C'est d'abord ça, c'est d'abord savoir raconter une histoire, le fait divers. Oui, c'est aimer raconter une histoire. Aimer raconter une histoire. Parce que quand vous aimez raconter, vous savez raconter. Mmh. Enfin, c'est pas à vous, je vais apprendre ça. Hein. quand on aime être un conteur et qu'on sait qu'on a des oreilles attentives et frémissantes à l'autre bout, on jubile. Enfin, Mais je vous le confirme. Le fait divers, disait Bourdieu, fait diversion. Hein, ça. Et il est même dangereux, puisqu'il peut écarter le citoyen de ses préoccupations démocratiques, que sont l'économie, la politique. Est-ce qu'il fait diversion, le fait divers? Non, je crois pas. Je crois qu'on revient. Oui, c'est vrai, dans un premier temps, on va se passionner pour une histoire, et puis peut-être ne pas s'intéresser à ce qui devrait être. Mais on y revient fatalement, parce que tout est dans le fait divers. Toutes les histoires sont dans les faits. Les histoires politiques sont dans les faits divers. L'économie, on en parle. L'amour, la médecine, la guerre. Il y a des faits divers. On aimerait tous... C'est ça, le fait divers aussi. C'est retrouver notre imagination de gamin. Bah, les grands westerns, quand on joue aux cow-boys, aux indiens, aux bandits, aux comédiens, ce sont des faits divers. Les Dalton sont des malfaiteurs. Oui, bien sûr, qui existaient. Et oui, en plus ils ont existé pour de vrai. Dans la bande dessinée, ce sont des malfaiteurs. Mickey passe son temps à lutter contre Patibulaire, qui est un bandit de grand chemin. Moi, Mickey, c'est tout le monde de Walt Disney, j'adore ça, parce que bon, il y a 2-3 fées qui se promènent, etc. Mais il y a beaucoup de bandits, beaucoup de faits divers vrais. Alors, rapidement, malheureusement, parce qu'on arrive à la fin de notre entretien, Emmanuel Carrère, écrivain français, fait une belle intrusion dans Excellent le réel. Excellent écrivain français. Ouais. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de son œuvre, cette intrusion dans le réel? Eh ben, moi, je pense que je l'envie. Je l'envie comme j'envie Truman Capote, j'aurais aimé écrire ce qu'il a écrit. Et toute dernière chose. Un fait politique, ça fait partie de la politique. Un fait économique, ça fait partie de l'économie, géopolitique, etc. Fait divers, parce qu'on sait pas où le mettre. Divers. Ben oui. Ben, c'est pas terrible, ça, quand même. Ah, ça fait partie du rêve. Oui, certains vont dire du cauchemar. Oui. Mais vous savez, moi, c'est cette histoire qui m'enchante sur un fait diversier qui avait fait toute sa carrière dans un journal. Et puis, il arrive à la retraite. Et puis, il attend que la Société des gens de lettres lui verse des droits sur ce qu'il avait écrit dans les journaux. Il voit, rien n'arrive. Alors, un jour, il écrit une lettre au président de la Société des gens de lettres. Il dit, voilà, j'ai passé ma vie à écrire des faits divers. Vous devriez me donner des droits d'auteur quand même. Vous les donnez à tout le monde. Parce que moi, je vais vous dire, ce que j'ai raconté, de mes faits divers dans les journaux. Tout est inventé. Il n'y a pas un seul fait divers qui soit authentique. J'ai tout inventé. Donc, je trouve que je devrais toucher des droits d'inventeur, donc des droits d'auteur. Mmh. Et ça me fait rêver. Je me dis que il y a un jour, peut-être, des Martiens arriveront sur notre planète, diront ce qu'on a écrit, et sont incapables de démêler le vrai du faux. Et ce sera la victoire à la voix de la littérature et du fait divers. Et ce sera le mot de la fin, Didier Decouin. Merci infiniment d'être venu nous voir. Je rappelle le titre du livre que j'ai entre les mains, qui fait partie de cette grande collection que tout le monde connaît, hein, les Dictionnaires amoureux. Vous, c'est Dictionnaire amoureux des faits divers. Et c'est chez Plon. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles, la fiction, aujourd'hui De sang-froid, autopsie d'un roman maudit, une fiction écrite par Clara Serre et Zoé Gabillet, réalisée par Pascal Deux, émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priolet et réalisée par Anne Nioro, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui, Arnaud Caillé et Julien Dumont.